corruption, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse toutes les schmideuses qui kiffent nous palper. C'est pour mes frérots qui débarquent en se franc et font du zombie sans papier. C'est pas notre faute si nos vies sont illégales. Moi j'ai la dalle, hey, passe-moi un tarpé rempli de balles. Que je passe danser toute la police nationale. C'est pour mes frérots qui se sont trouvés en frérot. Pour des bises de 2-2 cachés dans le dum-dum. Nos transactions sont souvent avec des tam-tams. Protège tes œufs si tu lances pas tous nos vécus. Car des bouteilles cassées vont pénétrer dans ton gros cul. Moi je suis un cru dans ma parole d'Algérien. Ici pas trois pas d'Algérien. Sors la pierre dès que tu vois le G9 cousin. ZZCF mort, ça y est, RR. Bébé baisse nous sur le son du terre-terre, volume 2. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Michel Hector, faut qu'elle m'intitule 93. Mon flow, c'est un de roi ou arrière dans la caisse. Si y'a pas baisse la police dans ta caisse, c'est caisse. Comme un back-back sans merguez. Mais à boule, c'est la nouvelle marque de frappe. Si tu veux ta pompe de dame, toc chez Wam. On crame, on graille, le comico crade, sale, castal, sauce catalane. Pour gonfler ton capital, rail, monte sur Paname. Sois un vrai chacal, mon peur que t'as la dalle. Un conseil, reste sur tes gars. Car il suffit d'un regard et au cas de banane. C'est tellement la merde, la haisse, la crise. C'est plus les meufs qui font bander, mais les billes. Les jeunes n'attendent plus d'avoir du sperme sous le calcif. Pour que ça paie, pas paie, en cul de la justice. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Ça ferait trop plaisir si je nique un commissaire. Nique ces bâtards d'inspecteur judiciaire. Je m'en bats les couilles, je m'arrête pas mon frère. Je représente tous les frères qui sont en galère. Quand je croise un cœur, je veux lui niquer sa mère. Nique lui sa mère. Dans un cadavre, on a encore les nerfs. C'est pour ça qu'on est encore trop vénère. On est hardcore mon frère. On représente pour les frères qui sont en galère. Nique les louches de Paname et de la province. C'est pour les jeunes de banlieue de la province qui niquent les cups à coups de parpaing sur leur G9 cousin. Représente mes cousins de Marnia, Jiri, mon cousin. On s'arrête pas, on rappe comme des fous. On a la rage, on devient des vrais voyous. On n'a pas peur du commissariat, bâtard. On brûle tout, grand passe en bas de chez toi. Nique ta mère, sale balance. Nique aussi les skins en avance. Jette leur un coup d'extal dans leur mère. C'est pour toutes les Françaises qui sont fait les papiers aux cousins. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police, les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police. Baisse la police. Baisse la police. Baisse la police. Les bleus, la PAC, les RG, PRP, Polic, menottes, perquisition, affaires, répression, racisme, mafieux, injustice. Baisse la police.